Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des castors de Dolbeau avec l'instructeur chef Robin Bouliane. C'est la première chronique de l'année. Salut Robin. Salut Danny. Robin, tu as décidé de revenir cette année. Oui, ben après mûre réflexion, puis après avoir discuté avec mon groupe d'entraîneurs adjoints qui était là l'an passé, bon, j'ai décidé de reprendre la barque quand même. On avait fait un bon travail l'an passé. Puis on a décidé de continuer ça cette année. OK. Est-ce que c'est la même gang qui revient, qui était là l'an dernier, qui revient cette année? Au niveau des entraîneurs, oui, Olivier Boutin et Jérémy Tremblay qui reviennent. Par contre, Guillaume Lagarde, il sera pas de retour cette année. En raison de son occupation de son temps au niveau de son hockey avec le multiconseiller sa mère. OK, OK. Effectivement, ça prend pas mal de place aussi, là, faire les deux. Si on parlait du côté de l'équipe, est-ce que c'est. J'imagine que ça va être une bonne équipe l'an passé. Il y avait déjà des bons signes avant-coureurs que ça serait bon. Hein? Ben, je dirais que l'an passé, ça a été un début de saison difficile qu'on avait anticipé. Par contre. L'équipe a bien progressé, tant au niveau des habiletés individuelles que collectives. Donc, on avait quand même très bien terminé la saison et les séries. Donc, avec le nombre de joueurs qui revenaient cette année, on a 9 joueurs qui étaient là l'an passé. Donc, ça nous donne un bon noyau. Mmh. Donc, tout ça mis en ligne de compte, on devrait avoir une bonne saison cette année. Le principal noyau, tu as 9 joueurs qui reviennent, mais le principal est là, j'imagine. Est-ce que les meilleurs joueurs de l'an passé sont là? Je sais que Philippe Leroyer, lui, est rendu avec les éperviers. Là, mais... ouais, c'est sûr qu'on perd quand même 3 bons. Il y avait 6 dernières années, 3e année qui sont plus là. Ouais. Par contre, avec la progression que nos deuxièmes et premières années ont eu l'an passé, ils ont eu une belle année d'expérience. Je te dirais que puis ils comprennent déjà le système. On est déjà en avance sur le système qu'on veut implanter cette année, autant défensif qu'offensif. Donc c'est très positif. OK, OK. La force des castors va se situer à quel endroit? La force des castors, je pense qu'on va être bien balancé cette année. OK. Une bonne attaque avec une défensive quand même solide à travailler, mais quand même solide. Puis un bon mix de gardien de but avec Alexandre Lelancette, qui est notre troisième année, notre vétéran. Puis Guillaume Poirier, en deuxième année, là, qui devrait être bien tiré d'affaires. OK, OK. Ben Robin, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, on va être là tous les jeudis, comme on l'a fait l'an passé avec les castors de Dolbeau. Et en fin de semaine, vous jouez contre qui? On joue vendredi, les deux games à Dolbeau, donc vendredi. Vendredi soir à 9h contre les Saguenayens et puis dimanche à 7h contre les Aiglons d'Allemagne. Voilà, donc c'est l'instructeur-chef des castors de Dolbeau, Robin Bouliane.